S'il y a une tache sur votre carte météo, il la voit, il l'analyse. Ah, c'est vrai qu'il y a des taches. Il n'y en aura plus demain, promis, j'aurai lavé ça pour demain. Bien. Avec un ciel bien nuageux déjà ce matin sur la plupart des régions, mais on retrouve peu à peu un temps plus sec, excepté vraiment sur l'extrême sud-est du pays. Cet après-midi, le ciel va devenir plus variable au nord du Sion, Sambre et Meuse. Une alternance entre passages nuageux et moments bien plus lumineux, surtout sur l'ouest du Hainaut et au littoral. Au sud-est, en revanche, on va garder une couverture nuageuse plus compacte avec encore quelques bruines ou quelques pluies sur les provinces de Luxembourg et sur les Hautes-Fagne du côté de Liège. Les maxima seront bloqués toujours dans la même fourchette, 17 à 22 degrés. Les dernières ondées vont tout de même s'estomper dans le courant de la soirée. Le ciel va nettement se dégager sur l'ouest dans la nuit. Encore quelques nuages plus nombreux sur l'est. Peut-être un banc de brouillard aussi localement. Les minima iront de 10 à 14 degrés. Demain matin, le soleil va dominer, puis quelques cumulus vont bourgeonner quand même ici ou là. L'ambiance va rester lumineuse et agréable. Dans la journée, le soleil plus franc va s'installer sur l'ouest. Il alternera avec des passages nuageux. Et puis plus à l'est, sur les frontières, on pourrait avoir encore une petite ondée locale. Les maxima seront toujours comparables, 18 à 22 degrés. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, un nom dans l'actualité sportive, Roberto Martinez. C'est le nouveau coach des Diables Rouges, décision prise hier soir par l'Union Belge de football. On dresse le portrait de Roberto Martinez dans une minute. En Ligue des Champions, Anderlecht battu sur ses terres hier soir face aux Russes de Rostov, mais tout espoir européen n'est pas encore perdu pour les Mauves. Une attaque au couteau a fait un mort dans le centre de Londres hier soir. Le forcené a été arrêté, il souffrirait de problèmes mentaux, mais la piste terroriste n'est pas exclue. Sale temps pour les moissons, la pluie et le peu de soleil ont entamé la production de céréales. 2016 s'annonce déjà comme la pire année pour la récolte et le commerce de blé. Enfin, un jour de l'ouverture des JO, une petite polémique entoure la présence d'un fast-food dans le village des athlètes. On verra en fin de journal si cela est bien compatible avec l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Et depuis hier soir, on connaît donc le successeur de Mark Wilmots. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale s'appelle donc Roberto Martinez. L'Union Belge de foot l'a désigné après avoir étudié plusieurs dizaines de candidatures. Roberto Martinez a longtemps entraîné en première ligue anglaise. À 43 ans, cet Espagnol n'est donc pas un inconnu dans le monde du foot international, Florence Lestienne. Non, Roberto Martinez a, vous l'avez dit Catherine, une longue expérience anglaise. Il y a d'abord été joueur et puis en 2007, il débute sa carrière d'entraîneur à Swansea. Il débarque ensuite à Wigan où il remporte une Coupe d'Angleterre en 2013. Et puis à Everton ses trois dernières saisons où il a notamment côtoyé Kevin Miralas et Romelu Lukaku. Une expérience de la Première Ligue, un championnat relevé et où évoluent de nombreux Belges qui devraient faciliter son arrivée à la tête de l'équipe nationale et de ses stars. Le statut de Roberto Martinez devrait être un atout selon notre consultant Alexandre Teclac. On a un entraîneur là quand même qui a un certain statut, un certain standing par rapport aux joueurs. Et c'est quand même intéressant dans la perspective de la hiérarchie qui parfois n'a peut-être pas toujours été claire en équipe nationale. Roberto Martinez sera présenté à la presse ce midi et il n'aura pas beaucoup de temps pour trouver ses marques puisqu'il coachera son premier match à la tête des Diables le 1er septembre face à l'Espagne. Merci Florence. Florence Lestienne avec Pascal Chimé. En football toujours, pas de Ligue des Champions pour Anderlecht. Les Mauves ont été battus hier soir par les Russes de Rostov 0-2 au troisième tour préliminaire. Décevant face à une équipe de Rostov bien organisée, Anderlecht peut avoir des regrets. On écoute le milieu de terrain, Sofia Nani, très déçu à l'issue de la rencontre. C'est une première déception, on va dire. Mais bon, on fait aussi avec nos qualités. On sait que pour l'instant, on est en reconstruction. L'objectif, c'est de tout donner. On doit tout donner, on se doit tout donner. Maintenant, on n'est pas passé la Ligue des Champions, on met ça de côté. Il y a les barrages pour l'Europa League. On va jouer ça à fond, on va voir ce que ça va donner. Je pense que notre plus gros objectif cette saison reste le championnat. Et vous venez de l'entendre, tout espoir européen n'est pas perdu pour Anderlecht. Les Mauves joueront les barrages de l'Europa League. Ils connaîtront leur adversaire ce vendredi. Et on en vient à cette attaque à l'arme blanche survenue hier soir dans le centre de Londres. 6 personnes ont été poignardées en pleine rue dans le quartier de Camden à 2 pas du British Museum. Une dame d'une 60aine d'années a perdu la vie. On ne connaît pas exactement l'état de santé des 5 autres blessés. Un suspect a été très rapidement arrêté. Simon Gérard, la police privilégie la piste d'un déséquilibré. On ne connaît pas encore l'identité exacte du suspect, mais la police a donné tout de même quelques indications. Il s'agirait d'un jeune homme de 19 ans qui souffrirait de problèmes psychologiques. Et selon les enquêteurs, la santé mentale est un facteur important dans cette affaire. Le jeune homme est actuellement en garde à vue à l'hôpital. Il a été arrêté à l'aide d'un taser. Est-ce que, Simon, la piste terroriste est définitivement écartée ? Non, toutes les hypothèses sont encore envisagées. Des experts en contre-terrorisme, d'ailleurs, participent à l'enquête. Et puis Marc Rowley, le commissaire adjoint de la police métropolitaine de Londres, a annoncé cette nuit que les patrouilles seront plus nombreuses dans la ville. Par mesure de précaution, les Londoniens vont se lever et vont remarquer ce matin une présence policière accrue dans les rues, y compris des officiers armés. L'objectif est de rassurer et sécuriser. Nous demandons au public de rester calme, vigilant et en alerte. Et un cordon de sécurité a été installé sur les lieux de l'attaque et la police scientifique est descendue sur place pour récolter des indices. On devrait en savoir également un petit peu plus après l'interrogatoire du suspect. Les précisions de Simon Gérard, merci. C'est une réalité interpellante. Les héritiers des victimes des attentats du 22 mars ne sont pas égaux face aux successions. Selon la région dans laquelle ils habitent, le traitement est différent. En Wallonie, les héritiers de ces victimes ne doivent pas payer de droits de succession, mais bien à Bruxelles ou en Flandre. Flandre qui veut uniformiser les règles en la matière. Le ministre flamand des Finances devrait consulter ses homologues des autres régions d'ici la rentrée pour une approche plus respectueuse de l'intérêt des victimes et de leurs proches, dit-il. Oui, et puis Catherine, il y a un autre type de victimes. Ce sont les propriétaires de maisons perquisitionnées dans le cadre d'enquêtes pour terrorisme. Oui, il y en a eu plusieurs centaines de ces perquisitions suite aux attentats de Paris ou de Bruxelles. Et si beaucoup ont permis des arrestations ou des percées dans les enquêtes, d'autres n'ont tout simplement rien donné. Et la police a parfois investi des maisons qui étaient finalement sans intérêt pour les dossiers. Aujourd'hui, les propriétaires tentent d'être indemnisés. Exemple, à Raucourt sur les hauteurs de Liège, où une maison a été perquisitionnée en novembre dernier. C'était 10 jours après les attentats de Paris. C'est un reportage de Sébastien Joris. Quand les unités spéciales entrent dans une maison en pensant y trouver Salah Abdeslam, ça laisse des traces. Voilà l'état de la porte. Donc à 5h du matin, ils sont intervenus. Ils ont tiré 5 coups dans la porte. Et alors, on a les impacts partout sur les murs, dans le hall d'entrée. La perquisition reste gravée au mur et elle continue de marquer les esprits. Elle était très, très violente. C'était la mort devant moi. Si la police a déployé les gros moyens chez Béatrice France, c'est parce que son fils a erronément été reconnu en la personne de Salah Abdeslam. Ce sont les mots du PV rédigés par la suite. Autrement dit, c'était une méprise. Béatrice France a décidé de déposer plainte contre le SPF Justice. Je voudrais effectivement faire constater qu'on est victime d'une erreur. Parce que dans notre cas, on n'est pas reconnu comme victime du tout. Mon fils ne sait plus aller à l'école. Moi, j'ai dû aussi diminuer fortement mon activité professionnelle parce que je n'étais plus capable. Donc, on a dû aller voir des psychologues, des psychiatres, faire constater tout ça. Donc, ça a un coût assez important. Personne n'intervient dans le remboursement de tous ces frais. Seuls les dégâts matériels sont pris en compte, dans ce cas 20 000 euros. Mais selon Béatrice France, ce montant ne couvre pas tous les dommages causés. Les explications de Sébastien Joris avec Justine Katz et Vincent Brichet. Et puis ce constat maintenant, les producteurs de céréales n'ont pas le moral au beau fixe. La météo maussade a sérieusement entamé les moissons. Les productions sont trop maigres et la qualité du grain médiocre. Une mauvaise récolte à laquelle s'ajoutent des prix en baisse. 2016 s'annonce déjà comme la pire année pour la récolte et le commerce de blé. François de Barcy est entrepreneur agricole et fils d'agriculteur à Bertogne dans la province de Luxembourg. On l'écoute. Nous sommes très inquiets. Les premiers escourgeons viennent de tomber. Là, on est à maximum 5 tonnes, 5 tonnes, 2 tonnes. C'est le plus que j'ai fait. Et on est tombé à 3 tonnes. Donc, la moyenne va être catastrophique. Oui. Vous sortez de deux très bonnes années, je pense. Oui, voilà, on a fait de très bonnes années. On a battu des records au niveau production. Mais bon, la moyenne ici dans la région où on est, on tourne à 8 tonnes. C'est une bonne moyenne, voilà. C'est beaucoup plus bas que prévu. Presque 50% en moins. Et voilà, et la qualité du grain n'est peut-être pas non plus optimale. Donc même au niveau prix, on ne sait pas du tout combien est-ce qu'on va toucher pour nos céréales. On part un peu dans le flou. C'est d'autant plus inquiétant puisqu'il y a aussi le prix. Oui, oui, le prix n'est déjà pas très haut. Les premières cotations viennent de tomber. En esgourgeon, on parle de 121 euros tonne. Si le rendement n'y est pas et le prix pas, ben voilà, c'est assez catastrophique. Des rendements si bas, je n'ai jamais connu ça. On va combattre des records, mais dans le négatif, je pense. Une interview signée Nicolas Lefebvre. Question santé, l'aluminium présent dans les vaccins est-il toxique? C'est ce que prétendent des centaines de patients français qui ont développé une maladie, disent-ils, suite à un vaccin contenant de l'aluminium. En France, c'est un large débat qui s'est même invité dans une commission au Sénat. On en parle moins chez nous et pourtant les vaccins sont boostés à l'aluminium en Belgique aussi. Dans ce débat, il y a évidemment d'un côté les intérêts économiques des firmes vaccinales et de l'autre le lobby anti-vaccin de plus en plus actif. On fait le point avec Odile Lehert. Si l'on ajoute de l'aluminium dans un vaccin, c'est pour le rendre plus efficace. On fait cela depuis les années 20. Mais depuis quelque temps, des voix s'élèvent, surtout en France, pour dénoncer le lien entre cet aluminium vaccinal et une maladie, la myofascite à macrophage. Fatigue chronique, douleurs musculaires, troubles cognitifs, plus de 600 patients ont été diagnostiqués en France. Pas de chiffres, par contre, en Belgique. Et pourtant, le problème ne serait pas franco-français, selon Sophie Meulemans de l'association belge anti-vaccin Initiative Citoyenne. Les vaccins ont la même composition et en Belgique également, il y a des personnes atteintes de myofascite à macrophage, mais il faut savoir que ce sont des symptômes qui peuvent recouper ceux de la fatigue chronique et de la fibromyalgie. Or, les médecins ne sont pas du tout formés à diagnostiquer la myofascite à macrophage. La majorité du monde médical se range pourtant du côté des producteurs de vaccins. Non, l'aluminium dans les vaccins ne présenterait aucun danger. Daniel Floret, président jusqu'il y a peu du comité technique de vaccination en France. Ah non, il n'y a aucun effet nocif démontré. Pour le toxicologue de l'UCL Alfred Bernard, la réponse n'est pas aussi claire. On a extrêmement peu de données. On sait que cet élément peut s'accumuler dans le corps, dans certains organes, le système nerveux central, mais en cas d'administration par vaccination, on ne sait pas très bien ce qu'il advient du métal, est-ce qu'il y a finalement un stockage à long terme, et les implications possibles sont inconnues. L'idéal, reconnaissent les spécialistes, serait qu'il existe une alternative au vaccin à l'aluminium. Elle existait, cette alternative, jusqu'en 85, mais a été abandonnée pour des raisons commerciales. L'organisme chargé de lutter contre le racisme en Flandre somme les politiques maintenant de passer à la vitesse supérieure. Oui, toujours les suites du déferlement de commentaires haineux qui ont suivi le décès de Ramzi Mohamed Kadouri, ce jeune flamand d'origine marocaine, décédé dans un accident de quad en vacances. Des propos qui ont révélé une nouvelle fois un courant raciste latent dans notre société. Pour le forum des minorités en Flandre, les réactions politiques d'indignation ne suffisent pas. Wouter van Bellingen est le directeur de ce forum. Il demande d'urgence un plan fédéral de lutte contre le racisme, écoutez. Premièrement, il faut faire en sorte que les discours politiques soient moins polarisants ou stigmatisants. Ces discours doivent au contraire unir et amener chacun à se responsabiliser. Par ailleurs, c'est une tâche pour toute la société. Aussi bien les politiciens que les médias, la culture, le secteur associatif, les employeurs et les syndicats. Ils doivent ensemble combattre les discriminations et le racisme au travail, dans le marché locatif et à l'école, etc. Et puis au sein du plan national de sécurité, il faut donner du temps aux policiers pour qu'ils combattent aussi le racisme. Des propos recueillis par Baptiste Huppin. La campagne se passe vraiment très bien. Les mots de Donald Trump prononcés lors d'un meeting hier en Floride. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a affirmé que son parti était, je cite, « plus unique jamais ». Malgré les critiques qui se multiplient, Donald Trump tente manifestement de reprendre la main après la polémique entourant ses propos au sujet d'un militaire d'origine pakistanaise qui a perdu la vie en Irak. L'une des plus graves controverses de sa campagne. Et puis le décompte, nous sommes à J-1 puisque les Jeux Olympiques de Rio s'ouvrent demain. Avec la cérémonie d'ouverture actuellement en cours de répétition. Au village olympique, les athlètes se préparent pour le plus gros événement sportif de la planète. Hier, nos hockeyeurs ont remporté leur dernier match amical face à l'Allemagne, championne olympique en titre, victoire 3-2. Les Red Lions qui entreront dans la compétition samedi face à la Grande-Bretagne. En attendant, dans le village des athlètes, la présence d'un fast-food fait beaucoup parler de lui. Une grande chaîne de restauration rapide, sponsor de l'événement, a installé un restaurant au pied des immeubles où vivent les sportifs. Alors les burger frites sont-ils bien compatibles avec l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau? C'est un reportage signé David Bertrand. Il est 14h, la file est longue, une cinquantaine de personnes au minimum. À la caisse, Coca, ça ne s'invente pas, Coca Genov, c'est son nom. Il représentera le Congo dans les épreuves de natation. Qu'est-ce que vous avez choisi? Un Big Mac. Un jus. Mais ça donne envie, on peut se permettre ce genre de petit écart. On sait qu'on est ici pour un but, et puis c'est d'abord le but, et puis le reste après. À la caisse d'à côté, un staff d'entraîneur britannique passe sa commande. Non, ce n'est pas interdit, nous leur demandons de faire ce que nous disons, mais pas ce que nous faisons. Tout doit se faire avec modération. Quand la compétition est terminée, pas de souci, mais avant cela, ils ne viendront probablement pas manger ici. À la sortie, Alexandre Bouzaït, un escrimeur, attend son plateau en compagnie de son entraîneur. Chaque athlète est libre de gérer son alimentation de façon équilibrée. En l'occurrence, est-ce qu'on peut voir votre ticket de caisse? Qu'est-ce que vous avez, vous, choisi? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'ai pris une salade, j'ai pris des nuggets et un burger. Ça reste plutôt équilibré, pas trop de frites, pas trop de sucre avant la compétition. Le tout, c'est d'arriver dans les meilleures conditions mentales. Donc, on prenne une glace ou des frites à une semaine de la compétition. La préparation qui a précédé suffit. Ça pose pas de problème. Merci, bon appétit. Merci. Voilà, un petit burger frites de temps en temps, donc c'est bon pour le moral. Oh, un Big Mac avant un 100 mètres, David, vous l'avez jamais fait. Je mange tout. Un nugget. Moi, je suis un homme. Mais voilà, un nugget avant un javelot, Pierre, vous l'avez jamais bien fait. Bien évidemment. Ah, bah alors. Le pire, c'est que je mange ma glace avant, moi. Évidemment. À l'envers. Mais oui. Sinon, va fond. Julien, un sundae avant un lancer de quand quoi. Vous voulez, avec plaisir. Eh ben voilà, il n'y a que des vrais sportifs autour de la table. Oui. On sent. Allez, remets-nous une bière. 8h16, voici à nouveau 8-9. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Ah non, parce qu'il a la ligne. Stéphane, RTBF Mobile Info. Santé Benjamin, en province de Liège, une perte de mazout signalée dans la bretelle qui relie le 40 qui vient d'Aix-la-Chapelle à le 42 en direction de Verviers. C'est donc ici dans l'échangeur de Bâtisse que ce mazout est répandu sur la chaussée. Soyez prudents si vous passez par là. Le point rouge de ce matin, eh bien, il se situe sur le ring de la capitale en circulation extérieure car un accident s'est produit à hauteur de Villevorde. Deux voies de circulation sont obstruées par cet accident et on relève des fils depuis Woluwe et Saint-Étienne. Et si vous êtes sur le ring, attendez-vous à perdre une demi-heure entre Zaventem et Grand Bigard. Une zone de chantier vous ralentit. C'est la zone située à Anderlecht, comme d'habitude, entre Ittre et Grand Bigard en circulation intérieure. C'est un quart d'heure supplémentaire. Et puis le chantier situé sur l'autoroute de la mer, le 40 qui relie Bruxelles à Ostende, vous fait perdre 10 minutes entre Herpemer et Mel. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon, vous connaissez le fil de la matinée, 9h la grande évasion et dans un instant l'évasion express. Pierre, on va où? Si je vous fais ça. Ah, ça a trompé. Ouais. Non. Au football. Le train des Trois-Vallées. Ok, on est nul, on n'avait pas trompé. Non. Dans le train dans une seconde. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ou on en pleure de rire. Un footballeur, ça s'y mêle encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Dès 11h, Vivacité aura un air de vacances. Le 8-9 revient dans un instant sur Vivacité et sur la Une. En ce moment, chez Brico, il y a 10 000 places à gagner pour Palawan, Aqualibi, Walibi. En plus, tous les clients Brico ont droit à des réductions dans ces trois parcs. Merci Brico. Pour les makers, Brico. En été, le père Jean-Jacques Brunin débriefe ses enfants de cœur. Est-ce qu'il existe un groupe dans le monde qui ressemble à ce que Stella fait? Un peu les Rolling Stones. Alors ce dimanche, vous ne retrouverez que les meilleurs moments de l'émission. Bonjour, vous avez bu? Un peu. Et bien regardez-vous, vous tenez pas debout. Ah oui, mais moi monsieur, je conduis assis. Le best-of des enfants de cœur, un instant béni, ce dimanche, de 9h à 10h30, sur Vivacité. 8h, 9h, le 8-9. Bon alors, puisque David est là, relooker professionnel, le look de l'été jusqu'à la fin du mois d'août, et avec un temps pareil, bah, c'est le look cheveux mouillés. Vous allez cheveux comprendre. Mouillés, mais oui, malheureusement. Hein, mais bon, ouais, on peut avoir des beaux cheveux mouillés et des très mauvais cheveux mouillés. Ça rend sexy, puisque Catherine, à côté de vous, a les cheveux secs. C'est plus sexy que cheveux mouillés. Ça fait du gras, non ? Non, justement, c'est sexy. Oui. C'est tendance, c'est sexy. Et comme je disais, un beau petit rouge à lèvres ouais. là-dessus, et hop, c'est parti. Et le cheveu gras, c'est sexy ou pas ? Je ne me rends pas compte. Malheureusement, non. Non, non. Julie, les people en vacances. On ira avec Amel Bent en vacances et avec Arthur très très loin d'ici, vous verrez. 8h20, ouais. C'est donc l'évasion express. Refaites-moi le coup de sifflet du chef de gare. Ouais. Parce qu'on a polémiqué pendant la pub sur votre coup de sifflet. Ça, d'accord, j'y suis. Ah, ça, j'y suis. Bon. Train des Trois Vallées. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait une chenille à 8h du matin? Non. Allez, c'est parti. Oh non. Mais vous êtes fou. Autant vous dire que Pierre n'a rien à raconter à mon avis, donc il a trouvé des jeux. Maintenant, on va se faire passer une cuillère de bouche en bouche. Voilà. Bon. Ceci étant dit, ça vous l'a fait épuiser. Non, je voulais vous faire faire la chenille à 8h du matin, donc un peu de sport. Vous avez raison. D'accord. Non, on va parler du train des Trois Vallées dans la province de Namur. C'est la Véronique et Davina du pauvre. Ouais. J'ai réussi à vous faire faire la chenille, c'est bien. On va parler du train des Trois Vallées dans la région de Marienbourg, province de Namur, entre Marienbourg et Traigne. Ouais. Vous savez que les Belges, on est des précurseurs en matière de chemin de fer. Ouais. 1800 et des raouettes. 1835, on a fait la première ligne entre Bruxelles et Malines. Mmh. Alors, il y avait beaucoup de lignes en Belgique. Il y avait notamment Marienbourg-Traigne. Vous êtes essoufflé? c'est à cause de mon problème de gorge. Non, mais je comprends bien. Moi aussi, j'ai un souffle au cœur. Vous ne vous inquiétez pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a remis ça au goût du jour avec des vrais trains à vapeur, avec des autorails. Donc, entre Marienbourg et Traigne. Mmh. Traigne, c'est la dernière gare avant la frontière française. Il y a le musée, l'éco-musée à Traigne. Et on monte dans des véritables trains à vapeur, de vieux wagons. C'est très sympa avec les enfants. Avec les sièges en bois aussi. Voilà. Confort de l'époque, mon bon monsieur. Voilà. Et donc, on fait ce petit voyage aller-retour entre les deux gares. Ça prend à peu près une journée. Il y a à peu près 3 départs par jour, tous les jours de la semaine. Il faut aller voir sur le site internet de 365.be. Et puis, ils font aussi des voyages thématiques. Notamment, le 3 septembre, il y aura un voyage culinaire, produit du terroir. Vous montez dans le train, wagon-restaurant, et vous commencez à goûter un tout c'est petit sympa, peu. C'est sympa, ça. C'est bien. Il y a le train du Père Noël également en fin d'année. Waouh. Le 3 septembre, c'est un quoi? Parce que je regarde, c'est un peu la rentrée. Ça doit être un samedi, à mon avis, ou un dimanche. C'est un samedi. Catherine a dit du tac au tac, c'est qu'elle a un truc. Vous avez un truc? J'ai un mariage de prévu. Ok, très bien. Votre? Me disiez, non. Si ça a fusé, c'est qu'elle sait. Donc, renseignements sur 365.be. Évidemment. Voici le best-of cactus de ce matin. Nous étions le 21 mars et Salah Abdeslam était capturé. Oui, bonjour, Rui Mandech, Salah le mal, Nale Abdeslam le mal. 8h20, lundi, les suites de l'affaire. Deux faits sont avérés à 7h. Salah Abdeslam est en prison et Justine Katz aux soins intensifs après un malaise dû à une dépression post-Molenbeekum. Vous voyez, c'est une sorte de trauma abdeslamisme, si vous voulez. Je vois bien. Dû à la perte d'un être de chair qui aura phagocyté son énergie, ses objectifs de vie. C'est très troublant. On peut ne pas s'en remettre. Souvenez-vous d'Anne Quevrin après Place Royale ou Elio Di Rupo après les élections. Rappelons que vendredi soir, après l'arrestation de Salah Abdeslam, de nouvelles déflagrations avaient été entendues. Il ne s'agissait pas de tirs de Kalachnikov, non, c'était les ventes du livre de Philippe Moreau qui venait d'exploser. Philippe Moreau qui planche sur un nouveau livre, Ma vérité sur les livraisons de pizza à Molenbeek. Ou comment prouver lors d'une commande d'une pizza aubergine oignon artichaut qu'on n'est pas automatiquement un salafiste radical, mais plutôt un végétarien convaincu. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, rappelons que lorsque l'on débusque l'ennemi public numéro 1, par ordre d'arriver devant le bâtiment. 1. La famille, les voisins, les relations, Jawad, les amis et les badauds. 2. Le livreur de pizza. Évidemment. 3. La presse. Ouais. 4. Didier Reynders. Sauf si c'est lui qui livre la pizza, évidemment. 5. Claude Moniquet. Le Paco Rabanne des prédictions. Mais d'où vient-il? Il doit avoir une soixantaine d'années. C'est un ancien steward de la Sabena qu'on a réorienté sur le terrorisme par correspondance. Il ne sait rien. Il en sait finalement autant sur les jasissements des terroristes en Belgique que Jacqueline Galland sur la date officielle du lancement du RER. Et enfin, arrive devant le bâtiment, en bout de chaîne, 6. la police, dont la première consigne est d'informer tous ceux qui sont arrivés avant elle de rester discrets. Salah Abdeslam arrêté vendredi soir, blessé, et quelle soirée fantastique dans tous les sens du terme pour cet homme dans le marasme, le chaos d'aujourd'hui. Les urgences qui arrivent en 10 minutes, un avocat impayable engagé dans l'heure, une chambre individuelle à l'hôpital fournie dès son arrivée sans vignette. Moi, je suis sûr qu'à 20h, le type, il téléphonait au call center de Proximus, on lui répondait à la première sonnerie. Bravo aux enquêteurs, hein, René Tonneau était donc bien agent Blue, Salah Abdeslam était toujours à Molenbeek. Finalement, les tueurs du Brabant, moi j'irais quand même jeter un coup d'œil dans la chambre froide du Deleuze d'Alost. Hein. Non mais, c'est pour faire avancer l'enquête. Hein. Évidemment. Bon, manifestement, nos malfrats n'ont pas un goût prononcé pour la nomadisation. Salah Abdeslam, 400 mètres de parcouru, et il a fallu 5 mois pour le rattraper. 5 mois pour le rattraper sur 400 mètres. Les Borlés, là, ils peuvent aller se rhabiller. D'ailleurs, hier soir, ils sont allés se rhabiller. Hein. Robin van der Bemde a fait tomber le relais. Lui, il ne va pas être invité au prochain Noël de la famille. Hein. Non, je pense. Bon, Charles Michel et François Hollande se sont pâmés de concert face caméra après l'arrestation. Alors, je résume. Hein. Charles Michel... et François Hollande... mais on dirait Gala Bruy. J'ai dit que je résumais. Mais oui, on dirait Gala Bruy. Ben, peut-être, mais je résume quand même. Mais ils ont fait 20 minutes pour dire ça. Bon. Ah, une dépêche, Sven Marie... Sven Marie est outré, déjà plus de 6 heures qu'il n'est pas apparu sur une chaîne de télévision. On suppute une plainte à Strasbourg, droit de l'homme au TPI à La Haye. Ah, lui, c'est terrible. Hein. C'est un pro, pas un pro déo, hein, juste un pro. Non, mais des types comme lui, les chauves, un peu hableurs, qui racontent des conneries devant des micros, il faut les priver de parole tout de suite. Hein. Ouais. Tout de suite, hein, sinon ils prennent de l'assurance hein, et ils deviennent d'une suffisance. Sarah et mon café, bordel. Ah, le juge Christian Panier propose d'accueillir Salah Abdeslam chez lui à sa sortie de prison. C'est très bien, il aura le temps de monter un dossier à charge contre l'État avec Michel Martin parce qu'il se sera radicalisé en prison à Guantanamo-Lenbeek. C'est très bien, on avance. Non mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est quand on va découvrir d'ici un mois ou deux qu'en fait, dans la cellule de Bruges, celui qu'ils ont incarcéré, c'est le livreur de pizza. Oh, j'avoue, j'ai re-ri en re-regardant, en re-écoutant. Et vous, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas poté mais de tout de rien. Mais Jérôme, ne l'écoute pas, non, il dit n'importe donc quoi. Donc j'ai loupé les potins, mais j'ai re-ri en voyant le cactus. Bon, rappel des titres juste dans une seconde, c'est le 8-9 de l'été. Le garage Skoda Chu vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda Chu et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda Chu à Chenay, au pied de la Côte d'Hambourg. Skoda Chu, le service en plus. Christophe de Monceau, de la société Bois et Jardin, vous accueille dans son magasin à Barchon et vous propose le meilleur des tondeuses automatiques, tondeuses à essence et autres matériels de jardinage. Retrouvez les offres sur localizy.com. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. Proximus présente... Tiens, t'as vu ? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt ? Alors écoute bien, ça c'est quoi ? Oh ben, ça c'est une basket. Ouais, et ça ? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça. Football, balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein. Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous samedi sur le site du Grand Ornu pour une balade familiale dans le Borinage. De ce joyau, classé au patrimoine mondial de l'humanité, nous filerons à travers les terris vers Colfontaine et l'écrin de verdure du château de Boussu. À l'arrivée, concert gratuit de Vianney. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. J'aime bien les belles assiettes bien remplies. Eh bien, craquez pour nos bonnes brochettes de poulet. Elles sont en promo par 4, un petit. Oh ouais, monsieur Marc, comme ça, vous pouvez manger comme 4 sans problème. Oh, la belle assiette. Ouh là là. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, 4 brochettes de poulet ananas, poivron ou nature, pour seulement 6,65€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud Presse et Le Soir. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité presents The Scottish Days. Pipe Band, Island Games, Scottish Dance, Kilt Village, Mariage Clandestin, Gastronomy, Artisan, and of course, Beer and Whiskey. Au Mémorial 1815 et à la ferme de Hougoumont, au pied de la butte de Lyon, les 13, 14 et 15 août. Tickets sur 070.be. Avec la DH, l'avenir est télépro. Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce jeudi. Roberto Martinez succède donc à Mark Wilmot. L'Union belge de foot a désigné le nouveau sélectionneur des Diables Rouges hier soir. À 43 ans, Martinez a longtemps entraîné en première ligue anglaise, notamment Everton, où il a déjà côtoyé Romelu Lukaku et Kevin Miralas. Toujours en foot, Anderlecht sorti de la Ligue des Champions. Les Mauves ont été battus 0-2 hier soir face aux Russes de Rostov. Et puis un mort et cinq blessés dans une attaque au couteau survenue hier dans le centre de Londres. Le forcené, un jeune homme de 19 ans, a été arrêté, probablement l'acte d'un désaccès, même si la piste terroriste n'est pas encore exclue. Météo et un truc qui va bien, c'est bien, c'est la première fois depuis lundi, temps généralement sec ce matin, avec quelques éclaircies. 21 degrés de maxima, c'est quasi l'été caniculaire, à l'échelle de chez nous évidemment. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Août, c'est le mois des étoiles filantes. Avec un peu de patience et une vue dégagée, vous avez toutes les chances d'en apercevoir. Si vous ne voyez toujours rien, ne perdez pas courage. Attendez quelques jours. Entre le 11 et le 13 août, on attend un pic d'étoiles filantes. Barbara Schall, c'est ce qu'on appelle les Perséides. Oui, ces Perséides, ce sont en fait des débris de la comète Swift-Tuttle. À cette époque de l'année, les trajectoires de la Terre et de la comètes se croisent et Swift-Tuttle sème derrière elle tout un tas de petits débris, des débris pas plus grands qu'un grain de sable ou qu'un petit pois. Alors lorsque ces débris entrent en contact avec notre atmosphère, ils prennent feu et c'est de là que vient la luminosité des étoiles filantes. Et est-ce qu'on peut facilement observer ce phénomène depuis chez soi? Ben oui, pas besoin de matériel performant, les étoiles filantes s'observent à l'œil nu, juste un transat ou une couverture éventuellement à poser dans l'herbe. On lève le nez vers le ciel et on attend. Les étoiles filantes peuvent venir d'à peu près partout, facile à observer, donc à condition d'avoir tout de même un ciel un peu dégagé. Et si vous préférez être guidé dans votre observation, c'est également possible. Oui, il existe toute une série d'animations autour de ces pluies d'étoiles filantes du mois d'août. À Framery, près de Mons, ça commence dès ce week-end au PASS. Chez nous, il faudra patienter un peu jusqu'à la semaine prochaine. La Société astronomique de Liège organise des observations à Nandrin en fin de semaine prochaine et le groupe Astronomie de Spa vous donne aussi rendez-vous sur le site de l'ancien hippodrome de Malchamps. Et pendant que la nuit, les étoiles filantes tapisseront le ciel, des artistes profiteront de la clarté du jour pour réaliser une grande fresque en Outremeuse à Liège. L'œuvre sera peinte sur une façade devant la piscine. À la manœuvre, comme d'habitude, la SBL Spreken Arts, qui a déjà créé plusieurs fresques en collaboration avec la ville. Martial Gio a rencontré Michael Nicolaï, un des responsables du projet, au moment où les artistes donnaient leur premier coup de pinceau et de rouleau. Ici, le projet, c'est une demande de la ville de Liège et de la République libre d'Outremeuse. Donc, sur le petit pignon qui sera visible de la place Delcourt et de la rue Jean d'Outremeuse, on réalise une évocation du bouquet dans le cadre du 240e anniversaire du bouquet. Et sur le mur le plus important, donc face à la piscine d'Outremeuse, on va réaliser le visage de Tchantchet et de Nanès avec au milieu un lettrage Outremeuse symbolisant la richesse folklorique du quartier. Donc c'est une rencontre entre des artistes issus du street art et le folklore et la tradition. Là, on est en train de mettre la couche de fond. Après, on va tracer le dessin à l'aide de bombes. On remplira avec de la peinture traditionnelle. Et tous les contours et les effets seront faits au spray de peinture. On est trois. Donc, il y a l'artiste Olivier Suchkowski, l'artiste Jérémy Goffard et moi-même. On aura fini certainement début de semaine prochaine. Pour l'instant, la météo n'est pas idéale. Tout à fait. Donc là, on a pris un peu de retard sur le chantier. Mais enfin, on annonce un week-end ensoleillé. Et la semaine suivante aussi. Donc, on sera dans les temps. Et le public pourra donc voir les artistes à l'œuvre ce week-end à l'occasion du marché opus organisé dans le quartier. La fresque sera inaugurée le samedi 13 août. L'association Savoir planter les choux propose des ateliers cette semaine à Liège, des ateliers consacrés aux plantes médicinales. Aujourd'hui, le thème c'est le gingembre, le curcuma et les poivres. Hier, c'était la menthe, ou plutôt les menthes. Il y en a de nombreuses sortes et leurs vertus sont utilisées depuis près de 5000 ans, comme nous l'a expliqué la botaniste Nadeja Echik. Il y a très longtemps, la menthe était considérée comme une plante médicinale. Donc c'est une plante qui est très importante pour point de vue digestif, mais il y a des recherches qui se font dans d'autres domaines. On n'a pas encore fini de tout découvrir. Est-ce que toutes les menthes sont bonnes? Si on passe à la partie médicinale, aujourd'hui, on dit que les menthes se valent plus ou moins, sauf que la menthe piperata, qui est un hybride issu de trois menthes hybridées au XVIIe siècle, cette menthe a un taux de menthol beaucoup plus élevé. Et donc, c'est cette menthe qu'on utilise point de vue médicinal. Alors, il faut quand même faire attention avec la consommation de la menthe, notamment en huile essentielle. Ce sont des produits très concentrés et l'huile essentielle de menthe poivrée qui est le plus utilisée. Et il faut vraiment faire attention parce que donc, il y a des contre-indications pour les enfants jusqu'à moins 8 ans. Également pour des personnes qui ont des calculs rénaux. Également, la menthe poivrée peut interagir avec des médicaments que vous prenez. Donc, encore une fois, il faut faire vraiment attention. Et le festival de musique de Stavelot, lui, se poursuit aujourd'hui avec à 11h à l'abbaye un concert du pianiste Florian Noack qui emmènera les mélomanes en voyage à travers la Russie, Russie d'Orient et Russie d'Occident. Un concert que présente Suzanne Micha, la présidente de ce festival. Florian Noack a choisi un programme extrêmement varié qui illustre bien ce chemin, cette aventure. Et nous avons aussi plaisir à retrouver ce pianiste que l'on a découvert au concours Reine-Elisabeth et dont la présence a été si chaleureusement accueillie. C'est un de nos Belges les plus en vue et les plus prometteurs, mais je ne sais pas si on peut encore dire prometteur parce qu'il a déjà, malgré son jeune âge, un talent extrêmement abouti. La présidente du festival de musique de Stavelot, Suzanne Micha, interrogée par Olivier Tunus pour tout renseignement ou réservation. Je vous renvoie vers ce site internet festivalstavelot.be. Je vous rappelle également en football que l'avant-centre croate Ivan Santini quitte le Standard pour rejoindre le club français de Caen. Caen où il s'est engagé pour 3 saisons. Stéphane, RTBF Mobile Info. Eh bien, toujours cette perte de mazout dans la bretelle qui relie le 40 qui vient d'Aix-la-Chapelle, nous sommes en province de Liège, à l'échangeur de Bâtisse vers la E42 en direction donc de Saint-Vit. C'est vraiment dans la bretelle d'accès dans l'échangeur de Bâtisse que le mazout est répandu sur la chaussée. Vigilance donc dans le secteur. Bonne nouvelle cependant, l'accident qui était signalé à Vilvorde est à présent terminé, mais ça ralentit toujours sur le ring. On va tout de suite faire le point sur vos temps de parcours. Les minutes que vous perdez sur ce ring de la capitale, eh bien voilà, ça s'est vraiment réduit, hein. 6 minutes seulement entre Zaventem et Grand Bigard, alors qu'il y a quelques instants, il fallait encore compter une demi-heure. 13 minutes supplémentaires entre Ittre et Grand Bigard pour la circulation intérieure du ring en raison du chantier situé à Anderlecht où la circulation s'effectue sur deux voies rétrécies. Pour rejoindre Bruxelles, eh bien, ça ralentit entre Sterrebeek et Woluwe-Saint-Étienne sur le 40 qui vient de Liège. Ça ralentit également sur la 12 Anvers-Bruxelles en raison d'un accident à Artselaar. Vous perdez 35 minutes pour rejoindre Stroombeek-Bever et si vous comptez quitter Bruxelles et emprunter l'autoroute de la mer qui relie Bruxelles à Ostende, eh bien une zone de travaux vous fait ralentir et vous fait perdre une dizaine de minutes entre Herpemer et Wetteren. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et à J-1 avant les Jeux Olympiques, nous sommes en plein dans les portraits de clubs depuis lundi et tous les clubs de Division 1. Quel est le portrait que vous nous proposez dans un instant, Florence Lestienne? Bah aujourd'hui, on va plutôt parler de la Division 2. Ouais, il y a un nouveau vocabulaire, faudra s'habituer, c'est juste après la pub. La 2, en télé. Les meilleurs athlètes mondiaux vont briller à Rio. Vivez en direct la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ce vendredi sur la 2. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Salut, c'est Mister Cover. Nous sommes ravis de venir faire la fête avec vous ce samedi 6 août à Boussu lors du beau vélo de Ravel. À l'affiche, il y aura aussi Arona et Vianney. Nous vous attendons en pleine forme à samedi. Le Showcase du beau vélo de Ravel, ce samedi 6 août à Boussu-Colfontaine. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. De 8 à 9, le 8-9. Donc avec David tout à l'heure, le look de l'été, parce qu'il pleut, qu'est-ce que vous relookerez tout à l'heure? Alors on va s'occuper des coupes-vents, ouais. Benjamin. Et donc il y a des coupes-vents de différentes tailles, oversize, il y a des choses très modes, des très ringardes. Donc je vais conseiller en fonction des volumes des personnes. Et tous ceux qui ont acheté des North Face, des Jack Wolfskin et autres coupes-vents, est-ce que vous êtes sexy avec ça? Réponse tout à l'heure. Oui. Les people en vacances. On ira en vacances dans un endroit paradisiaque avec le présentateur français Arthur et des nouvelles d'Amel Bent. Je rappelle qu'à tout moment Pierre Joie peut siffler puisqu'il est venu avec son sifflet ce matin. Ah, si, mais je ressors. Mais ressort votre sifflet. Votre sifflet, voilà. Hein, pas autre chose. Ouais. C'est le point de départ. C'est le point de départ pour vous signaler que notre invité tout à l'heure sera à Noir. Il est au Brussels Summer Festival cet été. Cette petite mélodie, c'est tout ou bon et le gars est jeune et belge. Voilà pourquoi on le réécoutera dans quelques instants. À 8h39, Portrait Club donc, et on continue à préfacer cette saison de Division 1 qui a déjà démarré. Portrait Football donc, Florence Lestienne. Après la D1, il faut un moment parler de la D2. Et la D2 qui reprend donc ce week-end. Et maintenant, il va falloir aussi s'habituer à un vocabulaire un peu particulier et à des abréviations. Et on va faire un petit quiz. Je suppose que si je vous dis PO1 ou PO2, vous savez ce que c'est. Playoff 1, Playoff 2. Très ouais, bien. C'est facile. Ça va. Facile. Une autre. Et maintenant, si je vous dis D1B. Division 1B. Division 1. De la catégorie B. Voilà. Division. Non. Pour Belge. Eh bien, non. Ah. Eh bien. En fait, c'est tout simplement le nom de la nouvelle Division 2. Donc, D1B, il va falloir s'y habituer. Et D1A, vous l'aurez compris, c'est la D1 normale, on va dire. Ouais. D'accord. Ouais, donc, en D1B, maintenant, il y aura 8 équipes. Est-ce que vous savez lesquelles? Absolument pas, moi je ne suis pas fan de foot, je n'y comprends rien, je suis vraiment honnête avec vous, désolé. Julien s'est mis hors jeu, tout de suite. Moi je suis arbitre, moi. Oui, c'est vrai, et David est relou. Moi je suis sur le banc, j'attends. Donc, faites-nous la liste, Florence. Donc il y aura l'Antwerp, le Cercle de Bruges, l'IRS, le Mel United, OHL Louvain, qui est le descendant de Division 1 de la saison dernière, Roulers, Tubize et l'Union Saint-Gilloise. Il n'y a pas 1000 francophones, hein, vous l'aurez compris. Alors comment ça va se passer dans cette D1B? Le championnat va se dérouler en deux périodes, une avant et une après les fêtes de fin d'année, et durant chaque période, les clubs se rencontrent deux fois, donc quatre fois au total sur toute la saison. Il y a donc 28 journées de championnat. À la fin de la saison, les vainqueurs de chaque période s'affrontent en match aller-retour. Et si une même équipe a remporté les deux périodes, elle est automatiquement sacrée championne et elle remplace le 16e de Division 1A. Attention, essayez de suivre. Question, est-ce qu'on pourra par exemple voir une équipe de D1B dans les playoffs? Oui, mais dans les play-offs 2 uniquement. À la fin de la saison, on additionne donc les points des deux périodes. Les trois meilleures équipes hors champion sont qualifiées pour les play-offs 2, le tout en compagnie des équipes de division 1A qui se seront classées entre la 7e et la 15e place. C'est limpide. Vraiment bravo, pas évident. Sincèrement, bravo, ma belle. On dirait un toucher coulé à la bataille navale. Hein. Ouais. Et donc les playoffs qui se joueront en deux poules de 6 équipes. Ces équipes de D1B ne pourront pas par contre monter en D1A, excepté le champion. Bien mais sûr. Elles pourront arracher un ticket européen. Bah, bien sûr. On va devoir réviser. Hein. Oui, wow. Mais attendez, c'est pas tout, il y a le bas de classement aussi. Il y a le bas de classement, oui. Donc ça, ce sont les 4 dernières équipes de D1B qui joueront les playoffs 3 pour désigner qui descendra en division 1. Amateur, un cran en dessous donc de la D1B. Et puis au début de cette mini compétition de 6 journées, les points seront divisés par 2. Tout ça me semble limpide. Waouh. Ouais. Wow. Et donc j'imagine qu'à l'Union Belge, ils se sont dit c'est comme ça qu'on va réintéresser le public au football et ramener les femmes et les jeunes vers le sport. Mais oui, bien joué les gars, bien joué. 8h42, on aura l'occasion de vous le rappeler encore et encore et encore tout au long de la saison, bien évidemment. Plus facile, les people après la pub. Vivacité et la 2 présente la nuit de feu au château des Lessines. Le 20 août, ne manquez pas le plus grand feu d'artifice de Belgique. Une heure de spectacle magistral fait d'artifice, d'opéra et de lumière. Entrée gratuite pour toute la famille. Pensez à réserver votre parking et votre pique-nique sur 070.be avec le soutien du Brabant Wallon, l'EF et la Loterie Nationale. En été, le père Jean-Jacques Brunin débriefe ses enfants de cœur. Est-ce qu'il existe un groupe dans le monde qui ressemble à ce que Stella fait? Un peu les Rolling Stones. Alors ce dimanche, vous ne retrouverez que les meilleurs moments de l'émission. Bonjour, vous avez bu? Un peu. Et bien regardez-vous, vous tenez pas debout. Ah oui, mais moi monsieur, je conduis assis. Le best-of des enfants de cœur, un instant béni, ce dimanche, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Ah, il est quand même très bien cet hôtel avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi, j'ai envie de voir la mer. Ouais. Tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Et si vous preniez l'été du bon côté? Comment entretenir des relations à distance? Les poursuivre, gérer le manque et l'éloignement malgré les nouvelles technologies? Sébastien Verdic, médecin psychiatre au CHR de Namur, en parle avec nous ce jeudi dans l'été du bon côté sur Vivacité à partir de 13h. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté avec Émilie de Kegel. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/ovio. Le 8-9. Les people en vacances, 8h44. Qu'est-ce qu'elle fait de ses vacances à Melbourne, Julie? À votre avis, quelle est l'application tendance du moment sur les smartphones? Tinder. Non, oui, ça non. Marche aussi. Mais s'il y a des petites bêtes un peu partout dans la réalité augmentée, les Pokémon Go. Pokémon Go. Bien sûr. À Melbourne, pendant ses vacances, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue notamment à Pokémon Go, mais surtout sa maman, elle a tweeté justement « Ma daronne », c'est comme ça qu'on dit « maman » en langage jeune, « tourne en rond dans mon jardin, je lui demande ce qu'elle fait et elle me répond bah, « je suis en train d'attraper un Pokémon, qu'est-ce que tu crois ?» Sa mère, c'est la mère à Melbourne. Elle joue au Pokémon, donc elles sont en famille tout simplement, histoire de passer des petites vacances tranquillement à jouer au Pokémon. Vous suivez? Je fais des paris. Pierre, à mon avis, vous n'avez pas joué au Pokémon? Non, pas du tout. Et David, non plus. Moi non plus, mais j'ai vu à Mons, il y a eu une manifestation comme ça, ils étaient nombreux, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est le doudou, hein, c'est chacun. Non, c'était ici, vraiment, il y a 15 jours. Les vacances d'Arthur. Arthur est parti un peu plus loin, il ne joue pas au Pokémon. Quoi qu'on ne sait pas, si je vous dis balade à vélo, playa, bronzette, sable fin, vous me dites quelle destination, à votre avis? Roisin. Je vois la photo, on est plutôt dans le Pacifique, non? Alors, il est du côté de Tahiti, le présentateur français. En fait, apparemment, souvenez-vous, il avait une nouvelle émission, le 5 à 7, qui n'a pas vraiment fonctionné. Du coup, il est parti narguer un petit peu le public sur les magnifiques plages de Tahiti. Et ça se passe en famille, avec les copains. Il en poste plein sur son compte Instagram. Si ça vous dit, allez vous inspirer un peu. Arthur, la petite barre du bas, officielle, pour voir tout ça. Ceci dit, à chaque fois qu'il y a des photos avec Arthur, c'est toujours dans des endroits un peu de paradisiaque, genre Rio, Tetouti, Quanti. C'est Arthur, monsieur dit donc. Il y a des thunes, Arthur. Et c'est pour ça qu'il y a tout le monde autour, il a sa petite cour. Il ne faut pas être jaloux. Non, mais c'est génial. Tu as déjà fait Tahiti, Pierre? Non, jamais non plus. Ah ben, David? Non, mais Sri Lanka, c'était pas loin. J'aimerais bien, hein. Franchement. Ah, je veux bien aussi. Bora Bora aussi. Ah, moi aussi. Bon, si on trouve une femme avant 9h et qu'elle nous emmène, on la suit. Qui est là? Anouar. Je ne pas là demain. Non, c'est Anouar qui est là. C'est le best-of des invités du 8-9 tout au long de la saison. Et cette semaine, c'est une spéciale Brussels Summer Festival, puisque Anouar, ce jeune Belge, sera là le 11 août. Et puis le 13 août aussi, n'oubliez pas ça, au beau vélo de Ravel à Namur. Il y a une voix que vous connaissez peut-être en écoutant Viva qui est celle d'Anouar. Écoutez, regardez quelques images de Let's Get Along. Le gars qui se cache derrière, ça s'appelle donc Anouar, il est là ce matin, bonjour. Bonjour. On va faire connaissance, je sais que vous êtes venu avec la guitare, le live dans une seconde, mais faisons connaissance. Vous êtes belgo-marocain, mais avec une grosse partie de votre vie ici ou une grosse partie de votre vie là-bas? En fait, moi j'ai grandi ici, j'ai fait mes études primaires et secondaires en Belgique. Et ensuite, mes parents ont décidé de rentrer vivre au soleil et ils m'ont embarqué. De quelle région du Maroc vous êtes? Du nord du Maroc, de Tétouan, c'est au détroit de Gibraltar. Et là, vous créez un groupe là-bas ou c'était déjà avec les copains d'ici? Non, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout musique. Je faisais pas de musique du tout. Je pensais pas du tout faire de la musique. Et c'est là-bas que j'ai vraiment découvert cette. J'ai eu un jour une sorte de révélation comme ça. Waouh, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai commencé à faire de la musique là-bas. là-bas et après j'ai un peu voyagé pour revenir à Bruxelles où j'ai grandi, où je voulais vraiment monter quelque chose, un projet personnel. On sent qu'il y a plein d'influences. Il y a juste un truc, faites notre culture ce matin, parce que vous êtes formé là-bas au Maroc à la musique gnawa. C'est quoi la musique gnawa? Ah, gnawa. La musique gnawa, c'est... Oui, j'ai le nez encombré, excusez-moi. C'est ça. Gnawa, moi. Oui, moi aussi. Mais... Excusez-moi, mais j'ai toute la gnawa. C'est ce que j'ai dit, gnawa. La musique gangbang, c'est quoi alors? Gangnam Style. Non, ouais. La musique gnawa, c'est la musique des esclaves. En fait, c'est des esclaves qui venaient du désert, du sud, enfin du Ghana, du Niger, du Mali, etc., et qui étaient transportés vers une ville qui s'appelait Essaouira ou Mogador à l'époque. Ouais. Et donc, ils ont ramené une sorte de culture à eux. Ils ont créé leur musique avec des instruments qu'ils ont inventés eux-mêmes, avec du bois, des boyaux, des peaux de chameaux, etc. Et ils racontaient un peu leur histoire. Ils racontaient. C'est un peu le blues, en fait. C'est un peu une sorte de quelqu'un qui chante et les autres qui répètent. Donc ils racontaient leur traversée du désert. Ils racontaient... Mais c'est étonnant parce qu'on parle toujours de la musique des esclaves en Amérique, la musique noire, le blues, là, mais ça c'est l'autre côté de la planète. Alors. Ça c'est avant d'arriver en Amérique, c'était déjà le même concept. Et donc les esclaves, quand ils sont partis aux États-Unis et en Amérique en général, ils ont ramené le concept africain de la musique, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est raconter leur histoire, raconter leur vie, leur... Et puis la seule chose qui a changé en Amérique, c'est les problèmes. Donc c'est-à-dire que c'était des champs de coton au lieu que ça soit le désert, et puis c'était d'autres façons, ils étaient confrontés à d'autres geôliers, d'autres cultures, et donc c'est un peu la même chose en fait. Et page d'histoire en même temps ce matin. Alors vous êtes venu avec la guitare et vous nous faites le petit cadeau ce matin de nous amener en live un extrait de ce premier album. L'album s'appelle Beautiful Sunrise, le titre Let's Get Along, et donc c'est rien que pour vous ce matin, rien que pour nous, le jour de notre 12e anniversaire. Yes. Ce gars s'appelle Anouar et c'est un talent de chez nous. Fais play sur la guitare. Baby, you know that I love you. I know that you love me too. Yeah, I know you do. Darling, you know that I love you. I know that you love me too. So let's get along together. I'll take you down to the city. I'll buy for you anything you want to. I'll hold you on the lawn when it's scary and dark outside. I'll make you feel like a queen, and I'll feel like a king with you. I promise I'll be good to you. Just tell me that you want me, baby. You know that I love you. I know that you love me too. Yeah, I know you do, yeah. Darling, you know that I love you. I know that you love me too. So let's get along together. Oh, c'est classe. Oh, c'est classe. Et alors, je vous le dis très honnêtement, il a eu pour s'installer 17 secondes. Oui, c'est vrai. À tout péter, ouais. Et j'entends bien les mauvaises langues dire « Tiens, c'est marrant, sur la pochette de son album, on dirait du cannabis. » Non, c'est un palmier à l'envers. Mais non. Vous l'aviez vu quand même, David. Mais évidemment, on dirait une vieille ortie. Mais oui. Qui n'a jamais confondu un cannabis et une vieille ortie, Pierre? Bon. Évidemment. J'ai plein de vieilles orties chez moi. Évidemment. Mais c'est avec l'ortie, c'est interdit par la loi. 8h52, dans un instant, c'est le look de l'été. Est-ce qu'on peut être sexy avec un coupe-vent? Et qu'est-ce qu'on fait avec ce look cheveux mouillés qui est le nôtre depuis lundi? RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. RTBF.be/Ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique ? Ou bien à la mer. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité et la Une présente Amadeus. En raison de son énorme succès, le spectacle de l'été à l'abbaye de Villers-la-Ville joue les prolongations jusqu'au 13 août. Réservation amadeus2016.be. Avec la Loterie Nationale, le soir et le Vifle Express. Grâce à Sudpresse, parfumez-vous au meilleur prix cet été. Participez à notre action épargne du lundi 8 au samedi 13 août et bénéficiez de 50% de réduction sur une sélection de parfums au senteur d'été. N'hésitez plus et foncez dans les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale. Encore une exclusivité. Sudpresse. Le 8-9. Le look de l'été à 8h54, et alors qu'on attend désespérément le soleil, il pleut depuis lundi. D'abord, commençons par les vêtements avant les cheveux. David, oui. Coupe-vent. Qui a un coupe-vent autour de la table? Donc, c'est les North Face, les Jack Wolfskin, ah, bon, les autres marques. Quand j'étais petite, j'avais la petite banane, vous savez, le kawaii qui se replie dans la banane. Sûr, mais il existe toujours, le kawaii, bien sûr. C'est le kawaii, c'est pas le coupe-vent. Pierre, vous mettez quoi? Pour le ski, pour l'hiver, oui, bien sûr. Oui, vous l'avez? Oui. C'est sexy ou pas, ce truc-là? En fait, justement, il y a plusieurs versions dans les coupe-vents. On a des coupe-vents, donc, comme on voit ici, donc c'est un coupe-vent en coupe droite, tirette, avec capuche qui monte un petit peu. C'est dans le moderne. Par contre, on a des coupe-vents, donc très mode, très coloré. Donc, on a les oversize pour les femmes avec des grandes capuches. D'accord. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est un petit côté petit chaperon rouge. C'est quoi oversize? Excusez-moi, je sais pas. Alors, donc, c'est une grande taille. Donc, c'est une capuche qui part de l'épaule et qui arrive donc sur la tête, et quand on la met, on ne voit presque plus rien. Et donc il y a un côté comme ça, donc très sexy et vraiment très mode. Oui. C'est dans des couleurs mates, les filles donc vont adorer, parce que ça, j'en suis sûr. Et puis aussi, on a nos fameuses marques de sport qui ont fait de très beaux progrès au niveau du graphisme, je peux pas dire quoi, mais dans les deux plus grandes avec les trois bandes et celle qui fait, il y a une petite virgule. Au pire, c'est moi qui se révirais, sinon je comprends pas. Donc c'est Nike et Adidas. Ont vraiment fait de très très beau graphisme. Donc on est sorti des fleurs exotiques et des petits bazars comme ça. On a vraiment du graphisme pur, et donc ça, c'est bien, parce que justement, pour des personnes qui sont un peu rondes, Benjamin, eh bien systématiquement, c'est pareil. Donc pour les personnes qui sont un peu rondes, c'est vrai qu'un imprimé, ça va permettre d'enlever un petit peu le volume. On va éviter justement d'avoir... Je pensais que c'était le contraire, que quand on était un peu enveloppé comme Pierre Joie, il valait mieux mettre de l'uni. Non, justement, l'uni c'est très bien, donc ça va à beaucoup de monde, mais quand on est justement un petit peu plus rond, on va mettre de l'imprimé justement pour cacher surtout la rondeur du ventre. Ah oui. Et pour des maigrelets comme ces deux-là, alors? Eh bien, pour les maigrelets comme ces deux-là, donc ce sont des coupe-vents qui peuvent même mettre justement 3/4, donc on a vraiment des 3/4, et donc c'est très élégant, c'est très très beau. Donc voilà, portez-en un, et surtout pour les personnes qui vont dans les festivals, je leur conseille d'en avoir des fluos, comme ça ils peuvent se reconnaître, parce que comme on a bu un petit coup, hein, hop. Vous n'êtes pas reconnu dans les maigrelets, je vais vous sursauter. Si, mais ni dans les enveloppés non plus. Vous êtes dans les riens, c'est pire. Alors pour les femmes, c'est important. Ce look cheveux mouillés, parce qu'il pleut quand même dégueulasse depuis lundi, on a intérêt à le gommer assez vite, ou on peut jouer de ça? Non, justement, il faut jouer avec ça, parce que le côté fait mouiller, donc là, il y avait les années 80 et tout ça, où c'était très à la mode, avec tous les films de l'époque qui étaient très sexy. Donc l'effet mouillé, ça marche. Pour avoir un effet mouillé sympa, donc il faut mettre une petite huile dedans, comme ça on a directement le cheveu qui reste et on n'a pas le bas qui gonfle, et puis on a la racine qui est assez mouillée. Donc soit pour les filles qui ont des cheveux courts, on va les attacher, pour celles qui n'ont pas assez de masse, celles qui ont de la masse de cheveux, on va les laisser justement très très naturelles. Mais avec une huile, ça va pas graisser un peu le cheveu? Non, justement, ça va permettre de garder une discipline aux cheveux, pour ne pas avoir un effet crépus. Donc que ce soit pour les blondes ou celles qui ont des mèches, donc je leur conseille d'avoir directement sur elles, donc même s'il pleut, d'avoir un peu d'huile, comme ça l'effet, la boucle va être très belle, ou le lisse va rester lisse. Parce que je regarde Julie qui est sèche comme le désert. Vous avez pas vu tout le... C'est pas vrai. Ses cheveux. Mes cheveux ne sont pas secs du tout, Jean-François. Non, mais je vous ai jamais vu avec le look cheveux mouillés. Vous faites pas ça, le look cheveux mouillés? Non, j'imagine que ça prend du temps, je sais pas. Ça prend du temps. Non, ça prend pas de temps. Et surtout si vous êtes donc, voilà, il y a une pluie qui arrive, et donc malheureusement, vous n'êtes pas préparé. Donc justement, il faut les protéger avant. Donc on met justement déjà une une petite huile donc anti-frisottis. D'accord. Donc ça va permettre de, que le cheveu ne soit pas imbibé directement par, par l'humidité. Comme un imperméable. Comme un imperméable. Ouais. On va surtout utiliser, donc quand vous allez sécher vos cheveux, vous allez aussi utiliser le sèche-cheveux à froid. Donc à la fin, on va utiliser donc des céramiques qui vont resserrer les cailles. Parce que c'est ça le problème du cheveu mouillé, c'est que quand on les a donc un peu abîmés ou quand ils sont un petit peu trop décolorés, eh bien systématiquement, ils gonflent. Et c'est quand ils sont après, c'est l'après qui est dérangeant. D'accord. Du cheveu mouillé. Donc si on veut rester sexy, il faut qu'il soit mouillé, lissé et imbibé d'un petit peu d'huile. Comme ça, l'effet reste longtemps. Quel genre d'homme êtes-vous, Pierre? Vous aimez les femmes à cheveux mouillés ou c'est pas un truc sur lequel vous vous retournez? Non, ça peut être sexy, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Entre une femme à cheveux mouillés et une femme avec des bouclettes, vous préférez Bouclettes. Je dirais bouclettes bouclette, aussi. Hein. Ouais, je dirais. Ah, bouclettes, quand c'est mouillé, c'est plus joli encore. Ouais. Hein, attention. On prend les deux avec Ah, ben oui. C'est sexy, ça fait vaïner, quoi. Donc c'est double effet, bouclette. Double effet. Et surtout quand il y a de la masse de cheveux, les hommes adorent ça. Hein. Ah, j'ai appris un truc. Ah oui, donc les filles, si vous avez des cheveux malheureusement qui sont un peu pauvres, n'hésitez pas de rajouter comme ça un petit peigne et vous allez avoir une chevelure d'hawaïenne. N'en jetez plus, parce que sinon Pierre ne pourra pas assurer la grande évasion. Il est en transe complète. La Chimay dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Caroline, vous avez des cheveux secs ou des cheveux mouillés ce matin? Ah, j'ai des cheveux de vainé, moi, monsieur. N'en jetez plus, ça fait beaucoup en même temps quand même. Non, c'est vrai qu'on a plutôt les cheveux mouillés. Ce matin, il a plu sur les provinces de Liège et Luxembourg. Ailleurs, le temps redevient déjà plus sec. Le vent de sud-ouest, lui, est toujours assez bien sensible. Cet après-midi, le ciel va devenir plus variable au nord du pays, oui. Par moments, une impression même bien claire, bien lumineuse, en particulier sur l'ouest du Hainaut et au littoral. Au sud-est, on va rester davantage sous les nuages, avec peut-être encore un peu de pluie sur les hauteurs. Côté mercure, ça ne bouge pas beaucoup par rapport à ces derniers jours. On a 17 degrés en Ardennes, 20 degrés le long du Sillon sans Brémeuse et à la mer et 21 à 22 degrés localement sur les autres régions. Une nuit plus fraîche nous attend, une nuit plus fraîche que ces derniers jours, 10 à 14 degrés. Eh ben merci la vaïnée. Et donc après les infos, la grande évasion sur Viva pour passer la matinée. En télé sur la Lune. Hong Kong, paradis fiscal pour plus de 200 000 millionnaires, véritable enfer pour les plus démunis et formidable Eldorado pour les membres des très redoutées triades. La plupart sont des gangsters. On les frappe sans s'arrêter pendant 2 ou 3 jours. Les carnets du bourlingueur, ce samedi sur la Lune. Très belle journée, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Le journal avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors ne dites plus Marc Wilmots, mais Roberto Martinez. Oui, cet Espagnol de 43 ans est en effet le nouvel entraîneur des Diables Rouges. Son nom a été dévoilé tard hier soir par l'Union Belge Football. Il sera présenté officiellement aujourd'hui, mais Roberto Martinez n'est pas un inconnu. Il a notamment entraîné Everton. Du côté des supporters des Diables, on trouve le choix de l'Union Belge plutôt surprenant. On s'attendait à ce soir une surprise dans tous les cas de figure parce qu'on savait que ça ne serait pas Prudhomme. Tout le monde voulait Michel Prudhomme. Maintenant, je lis déjà sur les réseaux sociaux qu'il y a des clubs qui sont sceptiques, qu'il y en a de ceux qui critiquent parce que certainement il va encore faire jouer Lukaku. Mais peut-être que ça va être un plus, justement. Il connaît Lukaku par cœur. Il a réussi à le faire marquer à Everton une pelletée de buts. Donc peut-être qu'avec les Diables Rouges, il va trouver la formule magique pour le faire marquer. Moi, personnellement, c'est difficile à juger. Il est nouveau. On va voir sa première sélection ici fin août. Mais il vient quand même d'un championnat UP comme la première ligue en Angleterre, qui est certainement le championnat le plus difficile. S'il a réussi à avoir une place de coach plusieurs années en Angleterre, c'est qu'il a de l'expérience, c'est qu'il a une vision des choses qui a plu à l'Union Belge, et je reste confiant, je reste derrière les Diables Rouges et derrière notre nouveau coach. Freddy Merlot, le secrétaire du club de supporters Diabolux, joint par Simon Gérard. A noter que le premier match de Roberto Martinez avec les Diables Rouges, ce sera le 1er septembre prochain contre l'Espagne. Anderlecht, lui, a loupé le coche, les mauvais ont été battus hier soir par les Russes de Rostov 0-2. La Ligue des Champions s'est donc terminée pour eux. Mais les Mauves ont encore une chance de jouer sur la scène européenne. Anderlecht jouera le barrage final pour accéder à l'Europa League. Les Bruxellois connaîtront leur adversaire demain. Des renforts de police déployés dans le centre de Londres ce matin. Une attaque au couteau hier soir dans le quartier du British Museum a fait un mort, une dame d'une soixantaine d'années et cinq blessés. L'auteur de l'attaque, un jeune de 19 ans, est arrêté. Il s'agirait d'un déséquilibré. La police britannique n'écarte toutefois pas la piste terroriste. Ce matin, le maire de Londres appelle au calme et à la vigilance. Chez nous, c'est surprenant, voire choquant, mais c'est la réalité. Les héritiers des victimes des attentats du 22 mars dernier ne sont pas égaux en matière de droit de succession. Les règles varient en fonction du lieu où ils habitent. En Wallonie, ces héritiers ne payeront rien. Ce n'est pas le cas, Roland Brunel, en Flandre et à Bruxelles. D'aucuns parleront sans doute d'injustice. En tout cas, il est incontestable que la régionalisation ne met pas tous les citoyens belges sur un pied d'égalité face à l'impôt. Ce n'est pas nouveau, mais les exemples liés à l'actualité interpellent un peu plus. Ainsi, les héritiers des victimes des attentats paieront ou ne paieront pas de droits de succession suivant le domicile qu'avait la victime. Paul-Émile Brouet, notaire. Dans la région wallonne, on trouve une disposition particulière d'exonération de droits de succession pour des victimes d'actes exceptionnels de violence.